Et les plus riches ne sont pas toujours ceux qui le paraissent. Toi qui te sers sans compter de ta pompe à vie. Toi qui parfois as ses restos, même si nourri. Tu n'as pas mal au quand tu donnes car tu as bon. Et tous les mots, ceux-là seront vite de leur grand. Tu es cette princesse, ce prince qui tend la main. Car tu l'as sur la main et œuvre aujourd'hui pour demain. Il y a des princes, des princesses, vivant avec ou sans aucune richesse. Choisis toi-même ta richesse. La vie passe devant toi, faut pas que tu la laisses. Des princes, des princesses, vivant avec ou sans aucune richesse. Choisis toi-même ta richesse. La vie passe devant toi, faut pas que tu la laisses.